Chapitre 7. Une piste mystérieuse. Lautrec m'avait dit « Je vais persister à me déguiser en cul-de-jatte. Je ne rentrerai plus chez moi afin de dépister ceux qui pourraient m'espionner. Dès que j'aurai besoin de vous, j'irai vous trouver. » 6 jours s'étaient écoulés lorsque je reçus la visite de Bélé. Cette fois, il y avait du nouveau. L'inspecteur me fit le récit des aventures de Lautrec, aventures qui ne laissaient pas d'être émouvantes. Je vais me borner à reproduire brièvement ce récit. Comme il me l'avait dit, Lautrec était rentré dans la peau de l'antidérapant et il s'était posté dans les artères que, suivant ses renseignements, le faux cul-de-jatte fréquentait. Pendant 2 jours, rien ne s'était passé. Mais le troisième, un inconnu vêtu très élégamment, s'était arrêté devant lui et lui avait jeté une pièce de monnaie d'une étrange légèreté. Tout de suite, Lautrec avait remarqué que cette pièce était creuse et qu'elle contenait un morceau de papier. C'était un billet. Le détective l'ouvrit et lut « Bonsoir, aura, la, promise, cher, sans, du, somme. » Bien, ami, faute, nouveau, que, a, venez, il, apportez-vous, nous, ce, i, moi, m'avez. Élisabeth. Que signifiaient ces phrases d'abracadabrante? Lautrec ne s'attarda pas à les déchiffrer. Il souleva sa casquette. C'était un signe convenu. À 100 mètres de lui, un ouvrier se promenait. Il vit le signe et, s'approchant du faux cul-de-jatte, il lui donna son obole. « Suivez l'homme qui vient de me faire la charité !» dit Lautrec sur le ton du remerciement. Le pseudo-ouvrier, qui n'était autre qu'un inspecteur déguisé, pivota sur ses talons et disparut. Lautrec avait déposé le billet ouvert dans sa casquette qu'il tenait à la main. « Bonsoir, aura la promise » répétait-il. Il n'y a pas de doute, ce sont des mots intervertis. Commençons par la fin. Élisabeth, m'avait moi, i, ce, pas de sens. Quelle serait la clé? Il essaya de lire en supprimant des mots, 20 efforts. 10 fois, il recommença. Que je suis stupide, murmura-t-il enfin. La clé est simple. Les mots sont disposés, non point horizontalement, comme nous avons l'habitude de le faire, mais verticalement à la manière chinoise. Il suffit donc de lire le billet de haut en bas au lieu de gauche à droite. Lautrec venait, en effet, de déchiffrer, en prenant la première rangée des mots disposés l'un au-dessus de l'autre. « Mon cher ami, venez ce soir sans faute. Il y aura du nouveau. Apportez-moi la somme que vous m'avez promise. Bien à vous, Élisabeth. » « La clé n'est pas compliquée, » pensa le détective. « Ceci tend à prouver qu'il s'agit d'une précaution élémentaire et que la lettre devait être remise en main sûre. Reste à savoir où l'homme à qui elle était destinée doit se rendre ce soir. J'espère bien que mon auxiliaire me l'apprendra grâce à sa filature. » Lautrec attendit. Enfin, l'après-midi, l'inspecteur revint. « J'ai quelques renseignements, » dit-il. « Bien. » « Je serai au bureau dans une demi-heure. » Quai des Orfèvres, le détective apprit que le passant qui lui avait remis le mystérieux billet était le baron Jérôme d'Autrive. En hâte, il fit toutes les recherches qu'il jugea utiles. Le baron était de bonne noblesse. Il était célibataire. Son patrimoine, bien que fort ébréché, lui permettait de faire supposer qu'il fût mêlé à des affaires louches. Lautrec réfléchit. Que faire? Aller trouver le baron, le questionner? S'il était coupable ou complice, c'était faire naître la méfiance. Mauvais moyen. Il restait au détective un faible espoir, un vague indice. Quelle était cette Élisabeth qui avait signé le billet? Une parente? Une complice? Nerveusement, Lautrec consulta des fichiers. Tout à coup, il poussa un cri de triomphe. Il venait de trouver, ou tout au moins, il croyait avoir trouvé. La sœur du baron Jérôme d'Autrive s'appelait Élisabeth. Elle avait épousé le comte César de Riva et elle habitait dans un hôtel avenue Victor Hugo. C'était une mondaine, Ses salons étaient très fréquentés. Rien n'expliquait les rapports qu'elle put avoir avec un cul de jatte. Il ne faut jamais, si l'on veut arriver à un résultat, se laisser arrêter par la barrière, souvent factice, de l'invraisemblable, se dit Lautrec. Ce soir, j'irai voir la comtesse Élisabeth de Rivard.